trois amis s'aimaient ainsi, comme les doigts serrés de la main, avec des accords pleins les doigts et des silences dans la voix. Je les revois, les trois complices, autour de la table du bistrot, réunis comme en pleine éclipse sur le vieux port de Locmalo. Après bien des années d'errance, ils ont échoué là leur départ. Trois vies croisées en transparence, trois vies soudées par le hasard, trois vies échouées loin des étoiles qui glissent sous leurs yeux voilés, trois vies de départ en escale, d'aventures sucrées et poivrées. S'il fallait simplement vous dire ce qu'ils ont vécu tous les trois, une chanson ne saurait suffire, une chanson ne suffit pas. Le temps a chargé leur mémoire de guerres qu'ils n'avaient pas voulu, de toutes ces chansons à boire que malgré eux, ils ont trop bu. Depuis les années de l'école, ils ont camouflé leurs secrets sous le repli de leur cache-col. Le temps est devenu frisquet. Rentrer au port pour la retraite, c'est arrivé un beau matin. Avec leur femme en quarantaine, il y avait le bistrot, les trois copains. Les trois copains et leur mémoire, un jour le compte n'y était plus. C'est dur de continuer l'histoire, à deux la chaîne était rompue. Ils ne savaient jouer en mesure le final de la partition. Ils ne savaient comment conclure le beau trio de la chanson. Les trois amis s'aimaient ainsi, comme les doigts serrés de la main, avec des accords pleins les doigts et des silences dans la voix. Je les revois, les trois complices, autour de la table du bistrot, réunis comme en pleine éclipse sur le vieux port de Locmalo.